c'est négro, c'est facile. M&M's dans nos comptes, kill you money shit. Same text, dans mes lyrics comme un signe. Same shit, fin du cycle, gros j'vois comme un signe. MMS, fouette c'est négro, c'est facile. M&M's dans nos comptes, kill you money shit. Same text, dans mon bagage comme un signe. Same shit, fin du cycle, gros j'vois comme un signe. Hein, OVG, au 10 et beat, c'est ça le but. Jameson, on veut les love, baisse pas le fut. 667, ça chill un haut gros comme un lustre. Kill le clan, flow qui déborde gros comme dans la crue. Ziru jackpot, tu fais pleuvoir l'or comme dans le temps. DGK, Faya dans la trappe comme dans le temps. Oulala, mélange terre ou plein de gasoline. 2018, dans les stores comme la glasoline. Hein, couliné, avec la beuh du 5-9. PPK, monte empire comme des 5 flèches. Ça s'en vient. Sur la prod ça crache les flammes. 420, les roues un blaze pas pour les femmes. MMS, fouette c'est négro c'est facile. M&M's dans nos comptes, kill you money shit. Same text, dans mes lyrics comme un signe. Same shit, fin du cycle, gros j'vois comme un signe. MMS, fouette c'est négro c'est facile. M&M's dans nos comptes, kill you money shit. Same text, dans mon bagage comme un signe. Same shit, fin du cycle, gros j'vois comme un signe. Hein, même def, et gros tu sais que j'arrive au calme. Pour reprendre, l'oseille de ces aristocrates. Mets l'herbe dans la youf, dans la tête comme la youf. Fumé danse avec nos ouanges, on brûle les pistes. On se fait des passes, on se fait des allées oup. Dégage allées ous, tu croyais aller où? Ça te bat les SO, allées youn. Kaki gros, j'vais v'là les ous. Tu sais que j'm'en bats les couilles d'être éloquent. Ils boivent du sang et cherchent la dénochrome. Tu vis comme Irving Man, le même régime qu'à Birmingham. Vrai négro dans le sang, la concu RA dans le vent. J'fais bugger ton ordi, projet rare, Blue Beam. Dans nos têtes trop morbides, sacrifice, do bitch. MMS, fouette c'est négro c'est facile. M&M's dans nos comptes, kill you money shit. Same text, dans mes lyrics comme un signe. Same shit, fin du cycle, gros j'vois comme un signe. MMS, fouette c'est négro c'est facile. M&M's dans nos comptes, kill you money shit. Same text, dans mon bagage comme un signe. Same shit, fin du cycle, gros j'vois comme un signe.